Hier soir à la cité des keufs, on fait une razzia. L'illicite c'est loin d'être fantasia. Enfermé en plein air comme à Gaza. La rue est Ramja, ça survit grâce à la ganja. Foncé, on va plus loin que la NASA. Sans fuir les problèmes, t'as la casa. C'est la Hesla. J'me rappelle de mon premier Focosla, de ma première carpa. Ouais, c'est moi Zeuler, ex-fur, seuler, dealer, voleur, breaker, racketter, qu'on est indivisible, incorruptible comme Muller. Unis comme Puller et Killer. Muni, fusil, mitrailleur comme Bigger. Dans nos tessis, y'a pas de fantaisie mais que de la frayeur. T'as saisi mon récit, viens d'ici et pas d'ailleurs. Sur le banc des leurs dit, on vit certes, même les terteurs. Avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. De nos jours, y'a plus de jeunes dans le secteur. On est tous solidaires, tous solides et fiers. D'être sincère entre frères de misère. Avec lesquels j'ai su surmonter mes galères. Avec lesquels j'ai su monter des affaires. Sur lesquels, sur qui je peux compter quand je suis dans la demeure. Hier soir à la cité des keufs, on fait une razzia. L'illicite c'est loin d'être fantasia. Enfermé en plein air comme à Gaza. La rue est Ramja, ça survit grâce à la ganja. Foncé, on voit plus loin que la NASA. Sans fuir les problèmes, t'as la casa. C'est la Hesla. Je me rappelle de mon premier Focosla, de ma première carpa. Rime avec garde à vue, rime avec flic qui tue, rime avec vie crue, rime avec posture, rime avec corrompu, rime avec détenu, rime avec tordu, rime avec occupu, rime avec trop bu, rime avec gros cul, rime avec rien entendu, rime avec vendu, rime avec pendu, rime avec descendu, rime avec combattu. Ouais, on vit dans le haram, acharné par le haram, acharbonné pour du drame, dans nos HLM, loin d'être calme. On vit dans le drame. Pour du touch, rien de s'arrame. Pondreuse pour rien, on gagne. Enfuis les queues, j'ai la dalle, j'ai ce qu'ils vendent bécane. Coup de crosse dans ta gueule si tu joues le Superman. Je leur L.I.M. on fait Superman. Hier soir à la cité des keufs, on fait une razzia. L'illicite c'est loin d'être fantasia. Enfermé en plein air comme à Gaza. La rue est Ramja, ça survit grâce à la ganja. Foncé, on voit plus loin que la NASA. J'me rappelle de mon premier Focosla, de ma première carpa. Vouloir bâtir un empire urbain, du matin au soir, aller au turbin, faire son pain par tous les moyens. Car la fin la justifie de l'humain. On se méfie, alors on se fie qu'à soi-même et personne d'autre. La rue est malsaine, y'en a trop qui se vautrent. Pour un rien, les keufs nous sautent. Y'a trop de galériens même sur la côte. Dans l'illicite dangereuse et la réussite peut éviter le déficit. Non, si tu nous en interdites, maudite, insolite mais solide. Morbide, frappé par le suicide. Le beat, vite, vite, on prend des risques pour gémant. Dans la rue y'a pas de kit, kit, peu, peu, ce gérant. Tous concurrents, tous ous conquérants. L'essentiel c'est de rester dans les rangs. Hier soir à la cité des keufs, on fait une razzia. L'illicite c'est loin d'être fantasia. Enfermé en plein air comme à Gaza. La rue est Ramja, ça survit grâce à la ganja. On voit plus loin que la NASA. Sans fuir les problèmes, t'as la casa. C'est la Hesla. J'me rappelle de mon premier Focosla, de ma première carpa.